Bonjour amis Sagittaires et ascendants Sagittaires, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage de l'oracle de Béline. Donc je vais cette fois faire un tirage plus général pour la rentrée, puisqu'il s'agit du mois de septembre 2023, qui est souvent un nouveau cycle pour beaucoup d'entre nous, et d'entre vous aussi. Voilà, on y va. Donc septembre 2023, Sagittaire. D'abord, quelle est la coupe ? Alors, bon, vous avez peut-être des craintes par rapport à votre travail, peut-être la peur de perdre votre travail ou de ne pas en trouver. On a deux Mercure là qui indiquent voilà, que vous êtes peut-être dans des démarches, vous réfléchissez beaucoup aussi. Bon, donc pourquoi il y a cette crainte? On va voir le tirage. Puisque la coupe, elle colore le jeu. Donc on va voir le tirage en entier pour les Sagittaires, hein, septembre 2023. Écoutez, c'est plutôt bon. On a le contrat là, quelque chose que vous aimez. Alors en fait, cela indique peut-être que vous êtes parti en vacances, peut-être que vous avez terminé la dernière fois votre travail sur une mauvaise note. Vous êtes resté sur une mauvaise note professionnelle ou quelque chose qui vous a semblé injuste. Et, ou alors peut-être que dernièrement, bah, vous cherchiez beaucoup le travail, des emplois, des missions et que rien n'arrivait. Eh bien, sachez que donc par rapport à cette crainte que vous avez, qu'on a vue dans la coupe, eh bien, il y a un nouveau cycle qui commence et qui est prometteur puisqu'il y a un nouveau travail, une nouvelle mission qui vous est proposée ici. Et c'est quelque chose que vous allez beaucoup aimer, apprécier. Vous serez apprécié déjà, mais également vous allez apprécier. Et là, on a quoi? On a tout simplement, c'est d'une simplicité ce tirage. Contrairement à d'autres là, que j'ai eu tout à l'heure, beaucoup plus complexes, vous allez avoir, il y a un contrat à la clé. Donc voilà, un nouveau contrat. Si vous avez déjà... donc mettez les bouchées doubles, hein, si vous cherchez du boulot, ne vous laissez pas ronger par les peurs, les craintes, ayez confiance, le travail est là. Par contre, si vous aviez déjà cet emploi, eh bien apparemment les choses vont s'arranger, vous allez retrouver beaucoup de motivation et vous allez vous sentir également de nouveau valorisé. Voilà, en tout cas, belle rentrée 2023.